10-23, observation, connaissance, savoir et connaître. Est-ce que le professeur de maths de Georges a les yeux bleus? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mireille ne sait pas s'il a les yeux bleus parce qu'elle ne le connaît pas. Connaître? Je connais. Tu connais? Il connaît? Nous connaissons. Vous connaissez, ils connaissent. Savoir, je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent.